C'est parti! C'est déjà la méga-vente Black Friday chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Robertval. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes en Black Friday. Nous vous offrons donc des taux d'intérêt à partir de 0%, des rabais extrêmement avantageux sur tous nos produits. En plus, Jean Dumas Ford vous fait un cadeau. Recevez l'ensemble performance, pneus, roues, capteurs de pression, ainsi qu'une télé 55 pouces. Profitez avant tout le monde du Black Friday dans les 3 Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. La campagne de financement pour le Centre Aqua Gym bat son plein. Et pour savoir un peu quelle est la réaction des commerçants, des gens de Dolbeau-Mistassini, on parle avec le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier. Salut Pascal! Bonjour! Pascal, donc c'est déjà parti, j'ai eu des échos. Jusqu'à maintenant, comment ça va la campagne de financement? Ben, ça va très bien parce que la réception est très bonne. Au niveau de notre cabinet, là, les gens font des rencontres, sollicitent des entreprises. Donc, de ce côté-là, la réponse est positive. Donc, les gens, en grande partie, nous disent qu'ils vont donner. Au niveau individuel, ben là, on vient de débuter. Donc, de ce côté-là, on est en train de faire des approches, mais je pense qu'encore là, il y a déjà un engouement là, qui se manifeste à travers la population. OK. Est-ce que du côté... Donc, rappelons, il manque comment là, pour financer? Là? On parle d'une campagne de financement d'1,5 million. OK. Puis, est-ce que tu as fait des campagnes à l'extérieur? Est-ce qu'il y a eu des appels de fer avec des compagnies comme Hydro-Québec, peut-être, Rio Tinto? Est-ce qu'il y a eu des approches de fait de ce côté-là? Oui, on a fait des approches avec plusieurs entreprises de l'extérieur. Okay. Effectivement, donc c'est prévu, c'est ce qui était fait. Et là, ben on est en attente de réponse parce que c'est quand même des entreprises qu'il faut qu'ils passent ça à travers des différents comités là, pour approbation de montant. Là. Donc, on est en attente, mais oui, on a sollicité plusieurs entreprises de l'extérieur de Dolbeau-Mistassini. Donc, tu sais pas, vous n'êtes pas capable de dire actuellement comment vous avez amassé à date, là? Non. Non, parce que, comme je vous dis, on a eu beaucoup de discussions verbales. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui verbalement nous ont dit, écoute, nous autres, on est très intéressés. Mais là, on est en attente là, de tout ça là, pour voir au bout de l'année comment ça va se concrétiser au niveau des dons officiels. Là, donc, ça, on va le voir là, dans les prochaines semaines. Y a-t-il un objectif, Pascal, du côté des ici même à Dolbeau-Mistassini, là, je sais que c'est un point, tu l'as parlé d'1,5 million, d'argent net ramassé dans le coin, dans le secteur commerçant et individu inclus. Non, il n'y a pas d'objectif, là. On n'a pas séparé le montant en objectif par secteur, là. Okay. C'est vraiment globalement, donc à partir de ce moment-là, non, on n'a pas... On n'a pas fixé d'objectif pour Dolbeau-Mistassini en tant que tel. OK. ça va s'échelonner sur combien de temps, cette campagne? Ah, bien, écoutez, c'est sûr que là, ça va quand même durer plusieurs semaines. Il n'y a pas vraiment... Je ne peux pas vous dire aujourd'hui s'il y a une date limite. Là. Nous, présentement, on est en campagne. Ça va se poursuivre après les fêtes. Donc, on n'a pas arrêté vraiment de date pour l'instant. OK. Pascal... as-tu peur que les commerçants de Dolbeau-Mistassini, parce que le budget là, de commandite augmentera pas, là. As-tu peur que... Puis moi, j'ai entendu dire qu'il y a eu des montants de 25 000 $. Vous approchez du monde pour vous demander 25 000 $. As-tu peur que d'autres, ça va faire mal à d'autres organismes? Ça peut être comme le hockey mineur, ça peut être la soupe populaire, ça peut être les grands frères et grandes sœurs. Il y en a plein d'organismes qui demandent, qui sollicitent. As-tu peur que c'est vrai que les montants qu'on avance, que ça va faire mal aux autres organismes? Parce que le budget n'augmentera pas, là. Non, ça n'avait aucunement peur parce que ça, c'est vraiment une campagne de financement particulière qui ne revient pas tous les ans. Donc, comme vous dites, il y a plusieurs campagnes de financement qui reviennent annuellement. Puis la soupe populaire, d'ailleurs, va s'en venir. Puis moi, je suis vraiment pas inquiète pour la soupe populaire. Les gens sont toujours au rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment à un moment donné que la piscine arrive. Donc là, on parle d'une campagne de financement vraiment là qui revient pas tous les ans. Il y a eu une campagne de financement qui avait été faite dans le passé. Faut pas l'oublier, à la salle de spectacle qui avait pas nuit non plus. Donc moi, je pense que les gens comprennent que faut vraiment séparer cette campagne-là du reste. Puis moi, je pense qu'au bout de la ligne, ben oui, il y a des commerçants puis il y a des vins qui vont donner probablement plus cette année à cause du complexe aquatique. OK. Ben Pascal Cloutier, on surveille le dossier de près, puis on a au plaisir de se reparler. Merci, bonjour. Pascal Cloutier, le maire de Dolbeau-Missassini.